بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير الجزء الأول niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiya Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. الدرس الثاني. Deuxième leçon. Deuxième. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawm ad-din amma ba'd. Fa al-an sa'aluka 'an kalimat allati akhadhnaha ams min ad-dars bi'unwan al-ibadah alladhi kana 'ibara 'an hiwar bayna Ahmad wa 'Ali ba'dama sami'a al-khutbah. طيب ما معنى لبى يلبي؟ اشتمل يشتمل. تذكر المصدر، تذكر المصدر اشتمل. اشتمل نعم. المجتمع، المجتمع والسوسيتي. ملذات. رسالة يعني بمعنى الدين. مساج. صحيح، صحيحة. الفاني، الفانية. إفمير. نعم. والعكس البقاء. يعني الباقي. طيب الفرائض. تقوية. ما هو الفعل تقوية؟ تقوية هو مصدر صح؟ ما شو اللي لو فيرب؟ كل فيرب قابل كل فيرب تقوية. قوى يقوي. الفعل قوى يقوي. طيب الأخوة. الاجتماعية. نعم يعني ما يتعلق بالجماعة en groupe civilisation. الفضيلة. تنول. هذا مصدر. نعم. أشد. فيه. نعم. مشاغل. أواصر. طالقة. ما هو المفرد في كل سنجلية؟ آسر. آسر. آسرة. نعم. آسر. آسرة. آسرة. آسرة. فرض يفرض. يعني imposé ou الوئام. لا الوئام ولا ميتين. بمعنى السلم لا بيل هارموني. لا paix, harmonie, finalement. طيب, الصلة. جامع. حتى مرادفا. لما أصلني. شمال. شامل. شامل. نعم. جامعة. نعم. كسا يكسو. نعم. العاري. أغاث يغيث. ملهوف. نعم يعني محتاج أيضا أو وقر يوقر توقيرا نعم معنى احترم وئام السلامة والسلم في عموني طيب قد أخذنا الأسئلة التي تتعلق بالدرس أمس ونجب كريكيشن فمباشرة نقفز إلى التدريب الثاني دوزيام إكزارسيس وفيه تجد أنه يجعل نموذج يعني إشانتيون أن إكزومبل أسويف بور فورمولي دي فراز أك دي مو دي نوفو مو أنكور أك سي مو تو في دي فراز أن إكزومبل سيتي يقول مثلا بين قوسين عندك ثلاث كلمات خطبة يوم مفيدة النموذج هو لقد كانت خطبة اليوم مفيدة طيب لقد كانت خطبة اليوم مفيدة فالآن يبقى تفاس باغي avec les mots en dessous entre parenthèses la même phrase avec d'autres mots أولا لقد لم هنا سيحرف توكيد وقد على بس قد من علامة الفعل parmi les signes qui permettent de reconnaître que le mot qui après c'est un verbe donc après قد il n'y a qu'un verbe qui rentre c'est pas un ism c'est pas un harf qui vient derrière قد من علامة الفعل كما خفت ممكن في الجرومية et قد il vient pour 4 sens ça peut être au fil du mardi, معناه التحقيق يعني une chose qui a déjà eu lieu. Ça ne t'accoule. Elle fait à ça, t'accoule quand tu fais le tout. Quand tu as fait ça, je l'ai déjà fait. Ou bien معناه il donne un تقريب chose qu'on roule plus. Quand comme tu sors, quand comme tu sors, c'est-à-dire la salle s'est rapprochée. On a معناه تقريب. Ça c'est dans le بالماضي بالفعل الماضي أما بالفعل المضارع فيأتي بمعنيين كذلك التكثير أو العكس التقليل pour une chose en abondance ou le contraire مثلا تقول مثل التقليل تقول قد يأتي فلان أو قد ما يأتي dans le sens il se peut qu'il vienne ce qu'il vienne pas طيب والعكس تقول مثلا قد يجتهد قد ينجح المجتهد في دروسه يعني que le مجتهد le studieux dans ses دروس بتوفيق الله en général il réussit ça peut être une chose qui arrive fréquemment ou rarement ou le axe tu peux dire également قد يجود البخيل il se peut que le bakhil soit généreux c'est rare maintenant tu as mis le قد قد il peut avoir toi avec le sillac du kalam tu peux comprendre ce qu'il veut dire quand tu vois la phrase tu dis par exemple قد يجود البخيل tu sais que le bakhil à la base n'est pas jawad il donne pas donc c'est-à-dire là ça veut dire quoi c'est peu et tu sais qu'en général le mujtahid il réussit dans ses durus donc tu sais que ça veut dire quoi taksir genre en général il arrive tu vois toi avec la phrase tu comprends ce qu'il veut dire par là et là la قد كانت خطبة اليوم مفيدة pour dire certes la خطبة d'aujourd'hui était profitable فالآن تفعل نفس الشيء مع الكلمات التي تحتها أسعار فواكه وغالية أسعار في الجنب السيع كي يقري فواكه في الجنب فاكهة كي يقري فوي مثل البرتقال والتفاح والعنب والرمان طيب وغالية في المؤنس دو غالي كي يقري شير ونيرو هذي مكتوبة دي الجملة أنت كونها لقد كانت لقد كان أسهر لقد كانت أسهر الفواكه غالية نعم قد كانت أسهل الفواكه هو فواكه لسه مضاف إليه غالية لقد كانت أمس ممتعة ممتعة هذه حلاصتي la sortie on va dire une sortie excursion peut-être ça peut être aussi d'autres sens pas le sens voulu c'est la sortie Ams hier et Montia plaisante réjouissante Hiwar Asdika Tawil Hiwar ça veut dire conversation Asdika c'est le thème de Sadiq les amis et Tawil long كيف تقول؟ لقد كان الحوار لقد كان أصدقائي طويلا نعم أحسن تلاوة قارئ وقارئ وجيدة تلاوة سي لكتور ريستاسيون القرآن وقارئ سي لو سي كي ريسيت كي لي جيدة معروف بيان أيوا لقد كانت تلاوة القارئ قريب القارئ جيدة جيدة نعم أواصير صداقة قوية لا سي أواصير نبي ديس كوا سي لليان وصداقة سا سي لاميتي نادي قوية فور كيف تقول لقد كان أواصير الصديق صدائق صداقة صداقة لقد كانت أواصر صداقتي صداقتي قوية نعم نور مديان واضح نور سي لوميير مديان أو ميدان عفوا ميدان سي شان كما رون بوان بلاس بلاس تو ان بلاسمون ان رون بوان واضح كلير كيف تقول لقد كان النور الميداني واضحا نعم on y avait fait allusion au réverbère vraiment genre un stade c'est pas un stade hein Meidan c'est un rond-point ou un lieu de peut-être un rond-point peut-être deux sens طيب خطبه معلوف imam معلوف شامله يعني général global لقد كان خطبة الإمام شاملة شاملة نعم وسيلة اتصال سهلة يعني وسيلة سي موين اتصال لا يعني veut dire quoi communication à la base c'est tout ce qui amène à un contact à un lien et là il veut dire quoi communication et سهلة facile لقد كان الوسيلة الاتصال سهلا سهلة نعم سهلة احسنت طيب ثم يقول التدريب الثالث اجيب كما في النموذج réponds comme dans l'exemple يقول الان كذلك عندنا كلمات عدة كلمات بين قوسين عليك ان تكون جملة بها là tu as encore des mots là entre parenthèses il faut que tu formules une phrase avec فهذا يقول إكرام الضيف زيارة المريض فالآن تدون دي مصدر ستون دي ديوية سيكون لصفير وفعل فاز يقول مثلا ولكن ما رأيك في من لا يكرم ضيفا ولا يزور صديقا ف في من لا يكرم يكرم سبيان دو إكرام الضيف كان هو ولا يزور صديقا كي فيزيت المالاد cependant quel est ton avis que penses-tu on va dire quel est ton avis رأي c'est un avis à la base mais là en français on va plus dire que penses-tu de celui qui n'honore pas l'invité ou qui ne visite pas son ami ils ont fait une erreur ils ont qui marie dans l'exemple ils ont qui صديق ouais ils ont fait une erreur Alors ils ont dit « La yazuru maridan ». « طيب فالآن celui-là il va te demander un peu de réflexion donc il sera fil bait parce que là t'as les masdar c'est à toi de déduire le verbe ça c'est tout fait ouais كتبت الحرف طيب الاول يقول كتابه الحرف وقراءه الكلمه يعني écrit l'écriture des lettres la lecture des mots كيف تقول ولكن ما رايك فيما يكتب الحرف في من في من يكتب الحرف لا في من لا يكتب فيما لا يكتب فيما في من نعم لا يكتب الحرف نعم ولا يقرأ الكلمة أحسنت كتابة اسم مصدر الكتابة يكتبه وقراءة اسم مصدر قراءة يقرأ ثانيا توقير الأب احترام الابن توقير احترام سي دو سينونيم يعني ريسبكتي ولكن ما رأيك في من يقرأ يوقر أيوة زا يوقر الأب ولا يحترم الأب ولا يحترم الابن نعم donc que penses-tu de celui qui en fait توقير on voit que c'est un niveau plus que le respect il y a ni peut-être c'est un respect vraiment comme ils disent là l'exemple que tu as donné à un grand Shra. Tu vois je sais pas si ça se dit vénérer non. Dans l'ibada vénérer en français ouais, tu vénères Foulen c'est-à-dire il y a un sens d'ibada dedans ah tu vénères ouais c'est une vénération ouais, j'ai vu dans les couteaux des fois ils disent vénère le prophète ouais, dans vénérer, les ouais, c'est synonyme. J'ai déjà vu des fois, je crois qu'ils ont déjà mis ce mot-là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà vu ça dans la traduction. En tout cas, c'est un peu plus haut que respecter, tu vois. La respect, l'honneur, comme tu as dit. Tu vois. Non. Thalithan. Ada al-wajib ziyarat al-sadiq. Ada al-wajib, c'est l'accomplissement de l'obligation, ziyarat al-sadiq, la visite de l'ami. كيف تقول ولكن ما رأيك في من لا في من لا من لا من لا في من لا يؤدي يؤدي نعم يؤدي الواجب ولا يزور الصديق نعم رابعا تناول الطعام شرب الماء يعني la prise du repas et le fait de boire de l'eau. ولكن ما رأيك في من لا يتناول ولا يشرب لا يتناول ماذا الطعام ولا يشرب الماء نعم أحسنت فلين تأبقي un petit peu tu vois dire voilà qui cependant néanmoins que penses-tu de celui qui ne fait pas telle ou telle chose Arabia Fiman c'est de ce qui dit Fiman à propos de quelqu'un Marayuka Fiman que penses-tu de telle personne tu vois à la base si on prenait le mot on dirait cependant quel est ton avis hein dans celui qui kaza avec kaza avec kaza ça ne se dit pas on peut dire en français, on va dire sur celui ou à propos de. Ainsi de suite. Parce que même si tu as compris le mot en français, tu ne pourras pas le dire la phrase, ce ne sera pas correct. Vous êtes obligé de faire une tournure qui la rendra audible et acceptable. Alors si tu prends mot par mot, tu fais un talkib comme en arabe, tu vas faire des phrases en français sans pas française. Les gens ne vont pas comprendre. Tadrib Arabia, quatrième. Imla il fara. بما يناسبه من الكلمات التالية يرمي على الدروع اكتبوا كويسون كويسون عندك الوئام كي بدير الامونية اكرما كي بدير الهنوري لبا كي بدير ريبون انفقا كي بدير ديبونسي نلحثو كي بدير تسوفلي ثانية كي بدير افمير كما جندي تقوية qui veut dire renforcement. يعيث كي بدي أصدنيا أشد كي بدي أبيع طيب الآن تقرأ الجملة الأولى وتجعل الكلمة المناسبة وترجمها كذلك إن زيارة بين المسلمين تقوي تقوية لصلة بينهم نعم تقوية كم الترجمة لقاز La visite d'entre les musulmans renforce. Jam. Les visites d'entre les musulmans raffermissent les liens entre eux. Non. Enfin. Ou l'arsène est installé qu'il est musulman. Min musulman. Un musulman. Un musulman, on a dit Là, le Oustad, Oust Isabina, Madrid. Le mieux, c'est d'utiliser musulman. Avec les gens, c'est maintenant ce qu'on veut dire, tu vois, quand les gens disent musulman, c'est ce qu'ils veulent dire, tu vois. Mais le mieux, c'est que celui qui sait qu'il évite d'utiliser le mot, parce qu'à la base, c'est pas ce qu'il veut dire, c'est un mot. C'est les Français qui l'ont remplacé. Les autres pays disent musulmans, en général. Ils sont musulmans. Parce qu'il y a une déformation, un truc, tu vois, contre nous, quoi. Pour m'éviter, prendre les termes. Ja'u, dan ja'at, ou le kitab wa sunnah, ad ahsan, ad ahwat. En même temps, ça habitue les gens à prendre les mots arabes. طيب ثانيا المسلم إذا استقبل ضيفا أكرمه أحسنت ترجم المسلم كي invite son كي reçoit كي reçoit son invité l'honore نعم ثالثا يجب علينا ألا الكلمة وجدتها انت فرنشي ايسي ألا أنفق وراء الدنيا لا ما هو هذا تبقى أنفق أنا الرابع سي نحلفه أيوة تثالث مجد عاش دفو رابع عاش مصاب دفو رابع هو هذا نوصل أمام نعم Non, t'as ça. C'est deux fois rabais. Ah, je parle de la phrase, moi. Hein? Attends, regarde pas le mot, regarde les phrases en bas. On suit l'ordre des phrases. Non, parce qu'en fait, j'ai mis des numéros dans les trous. Ah, t'as pas écrit le mot? Non. T'as fait le Kasslen. Vas-y, écran le jumla. Yajibu alayna alla nalhathu. Là. Parce que t'as fait une erreur, ma chouïa. يجب علينا الا الا نلحث ايوه فبيت لا الا ان لا وراء الدنيا لانها ثانيه لانها ثانيه نعم احسنت ترجم يعني تبي تطور pour nous de pas souffler derrière la الدنيا نعم car elle est éphémère نعم رابعا ان المجتمع المسلم المسلمه ايوه ان المجتمع المسلمه حقيقيه الحقيقي هو مجتمع والمحبه والايام والوئام نعم ترجم la réalité de La vraie, on va dire la convivialité ou la le mode de vie, on va dire le vrai mode de vie des musulmans ou la vraie société de l'islam des musulmans. C'est une société d'amour. Ouais, c'est la l'amour et L'entraînement. L'harmonie ou la paix. La paix ou l'harmonie. Oui, M, c'est paix ou harmonie. خامسا أسرع الرجل يغيث الصديقة. ما معناها؟ لم يستبق ست شخص صون أمي. نعم. سادسا لبى أحمد دعوة الصديق صديقه لا لا صديقه لا صديقه نعم أضاف إليه يتناول الغداء معه. طيب أحمد a répondu à l'invitation de son ami à prendre le repas avec lui. نعم سابعا أنفق عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه أكثر المال في نصرة الإسلام. أكثر إيش؟ أكثر ماله. لا. ماله. نعم. ضف إليه. في نصرة الإسلام. عثمان بن عفان a dépensé son أكثر. La majeure partie de son argent dans la défense de l'islam. نعم. Pour le secours de l'islam. Pour l'islam, non. Famine. قد تكون الكلمة أشد تأثيرا من الضرب في التربية الأطفال. نعم. Fait d'être sévère. Bon, parole dure. لا كم تقول جاك وناي في الجاك قد تكون لا قد déjà là ah ouais là c'est تقليل il se peut que la parole ait plus d'impact on va dire que le coup que les coups allez voir l'éducation des enfants parce que ta'thir c'est influence chose comme ça tu vois une chose qui influe sur une autre. Donc nous, on va dire en français, plus d'impact. À la sahih, il se peut que la parole ait plus d'impact. Et il se peut des fois laisser le coup plus d'impact. Ça dépend de l'enfant, ça dépend de la bêtise. Ça va tout gérer, tu vois, entre les deux. Des fois, tu le grondes, et des fois, tu dis à l'oreille. Après, il y a fham. Parce que les enfants, parlent, laissent. Tu lui fais apprendre le Coran, par exemple, tu fais que lui parler, il va pas apprendre grand-chose. À un moment, il faut... Asa. يحفظ لا يحفظ لا يحفظ احفظ العطل عطل donc il y a des enfants ça marche mais en général les enfants ça marche on sait que faut un asa sinon l'enfant il va pas t'obéir illa man rahim Allah vous avez le petit image l'aboun طيب التدريب الخامس فكم كون من كل كلمتين بين القوسين جملة مفيدة مضيفا إليها ما تراه مناسبا. Donc là, tu as deux mots entre parenthèses. Tu dois formuler une phrase qui a un sens en ajoutant ce que tu vois d'adéquat, d'approprié. Alors, أغاث بمالي. يعني secourir avec son argent. أغاث عثمان. الفقراء بماله نعم أحسن ما معنى الجملة ما نعدين الفوق بإسلام نعم يكسو بثياب revêtir avec un vêtement يكسو العاري بثيابي. ثالثا بمهارة أدى avec habilité il a accompli. C'est à la base c'est bimahara, ils ont fait une erreur. Ils ont écrit bimahara, c'est bi, la harfoja, et le mot c'est mahara, qui veut dire habilité. Dans les genoux. Donc il a accompli quoi avec habilité? يقفز الرجل بمهل بمهارته. لا يكفي أدى. مثلا أدى كذا كذا بمهارة مثلا. لا كوبليت تالي تل شوز افيك ابيليتي. آية أدى الرجل أن يقفز بمهارته. لا. ما يناسب. لا تفندير إلى أكومبلي لما أكومبلي كيل صوت افيك ابيليتي. ما يقال هذا لا تظن ما فل به أدى كذا بمهارة لا تفهم ما فل به تفهم اسم كيف تلوى بفاك أبيليتي ما وجدت مثلا تقول أدى الرجل طلوع الجبل بمهارة كلا كمبلي غادي نجا بلس اسكالات تو دو لا مونتاني هذيك أبيليتي مثلا تقوية الصلة رابع تقوية الصلة الصلاة تقوية الصلة بالله نعم خامسا الصغير وقر وقر الصغير الكبير نعم فهمت سادسا الإنسان مشاغل غفل الإنسان الآخرة بمشاغل الدنيا عيد غفل الإنسان الآخرة عن نعم فهمت حرف جر بمشاغل الدنيا نعم بسبب مشاغل الدنيا طيب السادس يقول استعمل كل كلمات من كلمات التالية في جملة مفيدة utilise chaque mot suivant dans une phrase qui a un sens une phrase sensée يوقر الوالد الأب T'es sûr? El Walid. Aïe, ouais. Parce que le Walid, c'est l'Ab, c'est le même sens. Les deux, c'est le père. Al Fadila. Kataba Fadila Tushir Al-Alam. J'écris Kataba Fadila Tushir Al-Alam Arisalat Al-Mufid. Taïeb, non. Lakin là, il ne veut pas ça. Parce qu'il tombe bien à l'Ifolem. Il ne veut pas ce sens-là. Tu n'es pas obligé de mettre les folles lames, mais ils ne veulent pas ce sens-là, ils ne veulent pas faire de la tachir. C'est l'indicul à l'islam ou à din et le fadila. Mathalan. Ou l'akhlaq et le fadila. À l'islam ou à din et l'akhlaq. L'akhlaq et le fadila. Taïeb. Le malazat. Fadila. Tu l'as déjà fait? Le 3 malathat. C'est. Non, je... Hein? Al-Aulad Mustaqimoun. Malathat al-Uyun. Z. الجباء. أحسن تقول قرة العيون. قرة العيون. نعم. Okay. فهمت قصدك. J'ai compris ton sens. Mais le mot dans la situation arabe c'est قرة avec un قاف et un رم مشددة. قرة العيون. العيون. Plusieurs des yeux, tu veux dire ça? Ouais. C'est قرة on utilise. Et pas ملذات. ملذات c'est plus les choses délicieuses, كذا كذا. Mais j'ai pas entendu cette expression, j'ai jamais entendu. Toujours j'écoutais Kuratul Ayun. Mais c'est le Mar'a Saliha Al-Jamila, كذلك. La femme belle et pieuse, c'est un plaisir pour le regard de son mari. Mais c'est qui est belle et qui est pas pieuse? Elle peut être aussi belle qu'elle est, et si elle est papieuse, sa beauté au bout d'un moment va vite se retourner, vite se transformer en laideur. La khayra fiha. Si belle qu'elle soit, si elle n'est pas moustaqima, elle va être fatiguée. Et le contraire, par contre, si même si elle n'est pas belle, mais qu'elle est moustaqima saliha, tu vas voir ses qualités qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc, ahamshi, comme le Nabi Salem, quand il a dit, on choisit la femme pour trois choses. Sa beauté, ou son. Noblesse. Sa noblesse, ou aussi quatre choses à la fois, sa richesse, ou son din. Et en général, c'est la quête qu'a conseillé lui. Celle de din. Parce que celle qui a de l'argent, le jour où il n'a plus d'argent, tu fais comment? Celui qui est opportuniste, il en galère. Il s'intéresse pour son argent. Bah, demain, il n'a plus d'argent, comment il fait? Ah. Celle qui est belle, par exemple, demain, vieilli, ou lui arrive un truc, sa beauté, le. Tu vois, elle fan, qu'est-ce qu'il fait? Et celle qui rit, celle qui a un haut rang. Mais les gens de sa famille, c'est tous des moussidounes. Moi j'ai des mounes, son rang il sert à rien du tout. Alors celle qui a un din, c'est celle qui va traiter. Taïeb, malhouf. Mais tu arrives à. La yarithu malhouf. La yarithu malhouf. Tif. Il aide pas. Il aide qui pas. Quand tu mets un damir dans une phrase, la azim yarjia la ism zabiq. Matati bidamir akada bidun zikr. Ma yurbat bihi. T'es obligé de dire un truc qui fait qu'on sait de qui tu parles. Si je dis masalin, ja. Comme ça. La yaman. Je dis déjà, Salen Zayt, tu sais de qui je parle. Non. Je t'appelle. Là, il y a tout le Ghani, le Malhouf, Malhouva. Non. Al-Ari. لا يكسو العاري لا يكس لا يكسو لا يكسو صاحب الدكان الموظف العاري اذا ما هو طيب اذا كان عنده كره فما هو طيب تشتمل القاعدة تشتمل أنواع من العلم. جامع بمعنى شامل. اللغة العربية. اللغة العربية مفتاح الجامع الفنون. الجامعي الفنون. جامع الفنون. طيب اللغة العربية مفتاح جامع الفنون. عفوا. أواصير. الثامن. Voilà, est-ce que Awasis, c'est pour t'en lire, c'est ça? Moi, j'ai pas trouvé sur Awasis. C'est Asira. متعلقة صح؟ يعني علاقة علاقة لليوم الأواسر الوالدين أمر مهم شو؟ أواسر الوالدين لا قل الوالدين تبتدي صلة الرحم كذلك الأقرب الأقرب السباعي الأقرب السباعي الأقارب تبتدي صلة كذلك مثلا تقول أيوة أواصر ال أواصر الجار يقوي المجتمع بل العكس تقول المجتمع الإسلامي يقوي أواصر الأواصر بين الجيران مثلا المجتمع الإسلامي الحقيقي كما قالوا يقوي الأواصر بين الجيران المجتمع الحربي طيب فرض فمن فرض فيهن زي الآية فمن فرض فيهن الحجة فلا يرفع آية ولا فسق ولا جدال في الحج طيب خلينا بون اكزومبل Parce que comme si c'est trouvé comme ça, je pense. Faraid. Moi, je te dis ce que j'ai écrit. Al faraid min fan min furud al sharia. Ah non, c'est faraid. C'est bon. T'en es l'héritage. Ouais. Ouais, il y a trop le fil. Là, c'est pas ça qu'ils veulent là-bas, mais bon. Non. طيب على بعض يبقى كل الصنص obligation. سنت أقول فرائض الإسلامية لمصلحة العباد. جعلت لمصلحة العباد مثلا. طيب المجتمع. تشك فيما كتبت؟ Je te dis ce que j'écris. Ah, vas-y, dis ce que t'écris. Yartaj al-Mujtama, il est un yuskarabiha. Ah, voilà, c'est une phrase. Yuskarabi, bitakwallah. La société a besoin qu'on lui rappelle la crème d'Allah, la piété. Taïb, risala, biddin. Kursur al-Salah, risala muhimma. Non, mais quelqu'un ne veut pas cette risala là. Et le risala, il est allé avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le message. Bu'itha al-Nabiyyu, sallallahu alayhi wa sallam, bi. Risala rahmatanillah. Bi risala. Bi risala. Naam. Al-Nabawiyya. Tamam. Wa nukmil bi hadha, al-Sabi'a. كتبته فجفه طيب نكمل بهذا اليوم يقول رتب الكلمات التالية ترتيبا صحيحا مكونا منها جملا مفيدة donc il dit toi tu dois classer les mots suivants de façon correcte réelle pour formuler des phrases sensées فالأولى إننا المساواة في درجة الإيتاء العدل كي بدي على كيتاء لا جستيس ومعروف إلى الإسلامي إسلاميك الدين يدعو لا ريليجيون لا أبل إيش كتبت الدين الإسلامي يدعو إلى يدعو إلى المساواة يدعو إلى إيش للمساواة والعدل. نعم، que la religion islamique appelle à l'égalité et à la justice. Et comme on dit le musawa, il y a besoin de tafsil. À la base, on est tous égaux, même l'awamir, lakin, maintenant, c'est tafawatun bihasb, martabatihim, wa ilmihim, wa istiqamatihim. Alors, le fasiq, il n'est pas comme le mustaqim, comme nous l'avons dit, ainsi de suite. طيب ثانيا لا الآخرين c'est-à-dire les autres والديه ses parents يوقروا يعني honorer respecter لا من يوقروا les deux fois من لا يوقر الوالدين لا نعم لا يوقر الآخرين نعم celui qui respecte pas qui n'honore pas ses parents il n'honore pas les autres. ثالثا الاجتماعية دور في هم الأخوة الحياء طيب لفظ كوا الحياة الاجتماعية دور في هم الأخوة ودور هم في الأخوة نقص نقص ما يصلح لا فهم سلفي لا كيف تخلم أو في الحياة في الحياة الاجتماعية لا دور هم تكون فبع فجر مو على ما بحكي بس الخاص نخ إن شاء الله. طيب اليوم سنكتفي بهذا وغدا بإذن الله سنكمل ما بقي من التدريبات حتى ندخل مع بعض في الدرس الآتي. طيب والحمد لله رب العالمين. مع تحية دمام افاق.com